Beauté, quelle est la teneur de la beauté? La beauté est le produit d'une intégration de qualités créatives naturelles et acquises, d'éléments, de comportements et de compétences. Dans leur grand niveau de qualité, il les dépasse dans leur intégralité lorsque son essence globale atteint un degré d'excellence et elle contrôle l'entité et incarne sa personnalité. À des niveaux positifs supérieurs aux négatifs, dans le sens qui lui établit son statut considérable en termes de pratique, d'expression et d'accomplissement de tâches qui lui sont assignées naturellement, qui peignent l'image de lui-même devant les autres et dans le monde de l'universelle existence. Par exemple, lorsque nous parlons du joueur de football le plus qualifié au monde, supérieur à tout le monde, cela ne signifie tout simplement pas qu'il est une belle personne, mais que dans le monde du football, il peut être nul en baseball et mauvais lémur, ou quand on parle d'une fille avec une consistance de son substrat corporel, svelte, les jambes, toujours des traits de visage. Elle a les cheveux comme la cascade, nous ne parlons pas d'un bel être humain, mais nous parlons du monde des tentations sexuelles. Il peut s'agir d'un mauvais comportement, d'un trouble mental et d'une mauvaise mémoire, et elle est porteuse de maladies et de déficiences croissantes dans ses gènes. Elle ne peut pas avoir d'enfants, et donc son destin est l'extinction, et donc non valable pour l'avenir de l'humanité, de sorte que les compétences créatives et les paysages visuels sont des expressions de qualité et de distinction, et non la beauté. Pour nous demander, il est habile à quoi? Et la réponse vient dans le football. Et quel est l'avantage de son jeu de football pour lui ou pour les autres? Ou la question vient-elle distincte en quoi? Et la réponse vient, elle a deux grands yeux et une taille élancée. Et quel est le bénéfice de ses yeux et de sa taille pour elle et pour les autres? Elle peut avoir une myopie ou une cécité héréditaire précoce et un cancer avant l'âge de 40 ans, donc la beauté est une autre chose et non c'est consommable à un niveau personnel. Pour cela, vous pouvez décorer par n'importe quel paysage que vous voulez attirer vos amants et espérons que vous ne pas être un piège pour ceux que vous les attirez ou attirer le désastre pour vous. Tout en flottant sur son visage, drapeau du salut pour les choses utilisées par l'homme, nos fins dont nous mesurons la qualité et la beauté sur eux. Mais sur quoi nous mesurons la qualité et la beauté de l'homme ?